Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en ce 14 octobre 2020. Merci d'être au rendez-vous, fidèle au poste comme toujours. Et aussi un gros merci d'avoir été là en si grand nombre la semaine passée pour notre petit hommage impromptu à Eddie Van Halen. Je ne vous cacherai pas qu'il a fallu se revirer de bord assez rapidement, comme vous pouvez vous en douter, étant donné que l'annonce de son décès avait été faite le mardi et que l'émission est, comme vous le savez, le mercredi. Mais je tenais vraiment à souligner tout l'apport musical et l'influence que cet homme a eu dans l'histoire du rock. Donc, j'aurais peut-être aimé y aller un peu plus en profondeur par moment, mais somme toute, je pense que ça a quand même bien sorti. Et surtout, c'est toujours plaisant de vous savoir à l'écoute et d'avoir vos beaux commentaires. Mais ce soir, après la centième et notre spéciale Van Halen, ben, on prend le temps de retourner aux sources tranquillement, pas vite, avec un beau petit varié format classique, comme on les aime, et qui débute maintenant, 99.1, 88.9 CFNJ. From what? 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. You. waterfall. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty of my waterfall. Some people say daydream is for all the laser-minded. Just as long as I have you to see me through, I have nothing to lose. Long as I have you, waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days. Oh, my waterfall. Et c'était-tu assez beau, ça? Toujours en plein mélomane, ce soir, sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. De retour d'un bloc au cours duquel on est pas mal resté dans les années 60 et qui s'est terminé sur une très jolie pièce instrumentale pour clarinette du nom de Stranger on the Shore, composée par Akerbilk, ou Akerbilk, pas certain de la prononciation, mais bref, composée pour sa fille Jenny en 1961. Semblerait qu'il ait gribouillé ça sur un petit bout de papier pour ensuite la remettre à Leon Young pour qu'il fasse ensuite les magnifiques arrangements de cordes qu'on a pu entendre ici. Et ça va devenir plus tard le thème d'une émission de la BBC du même nom, Stranger on the Shore, qui va être un succès autant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Et ça va tellement être un air connu qu'il semblerait que c'était même une des pièces qui figurait sur genre de mixtape fait pour les astronautes de la mission Apollo 10, celle qui précède tout juste l'équipe qui va mettre le pied sur la Lune en 1969, parce que c'était Apollo 11. Et sinon, ben juste avant, on a aussi entendu le Jimi Hendrix Experience en 1967, avec un extrait de leur tout premier album qui a frappé très fort. On a entendu May This Be Love, une chanson qui va être reprise un peu plus tard par des artistes aussi diversifiés que les Pretenders et Emmylou Harris. Chose qui suivait ainsi un classique du soul slash R&B des années 60, soit la fameuse Rescue Me de Fontella Bass, tout droit sortie de la légendaire écurie Chess de Chicago, étiquette de disque très associée au blues de Chicago, parce que c'est grâce à Leonard Chess si on a pu connaître des gens comme Muddy Waters, Willie Dixon, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Etta James, et là j'en passe beaucoup. Mais donc, c'est aussi de là que nous vient Rescue Me, qui était un peu plus dans l'esprit Motown, on pourrait dire. Et ça va s'avérer être le plus gros hit en carrière pour Madame Fontella Bass, qui aurait, semble-t-il, co-écrit la chanson, contrairement aux crédits initiaux qui étaient donnés à l'origine à Raynard Minor et Carl William Smith, chanson de 1965, qu'on a entendu ici juste après une incursion un peu dans le monde de la messe à gogo avec qui d'autre que Monsieur Daniel Lautrec en personne en 1969 avec la célèbre Alléluia, les fleurs du soleil, entre parenthèses, de 1969, en plein à l'époque où Daniel Lautrec abandonne l'époque yéyé et ska un peu pour arborer une moustache épique et bientôt animer son émission de variété Donald Lautrec Show, qui va être en onde de 1969 à 1971. Et c'était précédé ici des Temptations avec Ain't Too Proud to Beg, sorti chez Motown, dont on parlait à l'instant, en 1966, chanson qui va elle aussi être reprise plus tard par les Rolling Stones en 1974. Ça ne sera pas la première chanson des Temptations que les Stones vont reprendre. Ils vont se faire des reprises de My Girl sur l'espèce d'album compilation Flowers en 1967 et de Just My Imagination Running Away With Me sur Some Girls en 1978. Mais aussi la chanson va être reprise par Rick Astley en 88. Imaginez celui à qui on doit la fameuse « Never Gonna Give You Up » de 87, bien sûr. Et le tout qui fut amorcé par le « One Hit Wonder » de 65, Len Barry avec « One, Two, Three », une chanson qui a entraîné des poursuites de chez Motown, justement, parce qu'il semblerait que ça ressemblait un petit peu trop à la chanson « Ask Any Girl » des Supremes, face B du 45 tours de « Baby Love », un an auparavant. Mais nous, on a un beau petit bloc qui s'en vient. Tout ça, évidemment, à Méloman, 99.1 et 88.9 à CFNJ. Dreams. shape of dreams. Going down the city sidewalk alone in the crowd. No one knows the lonely one who's

Et c'est à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un air que certains d'entre vous ont peut-être connu parce que c'est une mélodie qui nous provient originalement de la fameuse version cinématographique de Disney de Mary Poppins en 1964, la pièce Chim Chim Cherry qui était à l'origine chantée par l'acteur Dick Van Dyke et son espèce de faux accent british que beaucoup ont critiqué initialement. Nous, on s'en rendait moins compte si on a grandi avec la version française, mais Dick Van Dyke, qui, soit dit en passant, est toujours vivant aujourd'hui à l'âge vénérable de 94 ans. On le connaît aussi beaucoup pour Chitty Chitty Bang Bang, son talk show et plusieurs autres films. Et donc, bref, c'est lui qui chantait Chim Chim Cherry aux côtés, évidemment, de Julie Andrews. Mais nous, c'est pas la version originale qu'on a entendue, mais bien la version d'une légende du jazz, M. Duke Ellington, qui, en 1965, soit un an après le film, a tout simplement enregistré un album du nom de Duke Ellington Plays Mary Poppins, le tout arrangé par lui et son fidèle compagnon Billy Strayhorn, à qui on doit des pièces légendaires comme Take the A-Train, gros classique du swing. Donc, Mary Poppins à la sauce Duke Ellington, qui était suivi ici en 1964 par Alain Barrière et son classique intemporel « Elle était si jolie », composé et écrit par lui, qui elle-même suivait de manière assez surprenante Iggy Pop et les Stooges avec « Down on the Street », extraite de leur deuxième album « Funhouse » de 1970, qui, comme tous leurs albums d'ailleurs, est crucial pour ce qui est de la création d'un style qu'on allait appeler le punk un bon 7 ans minimum plus tard. Chose qui suivait à son tour les deux sœurs Wilson qui, elles, en 1975, fondaient leur groupe Heart et sortaient leur tout premier long jeu du nom de Dreamboat Annie, duquel on a entendu la magnifique pièce-titre. Et là, on se tourne pour l'instant pour le prochain bloc vers le Québec, début des années 70. Mais tout d'abord, un beau petit détour vers la Soul de Philadelphie 2 ans auparavant. Toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ. La ficelle,

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Pour les prochaines heures sur la Nozière, minimum de 5 à 6 degrés. Alternance de soleil et de nuages jeudi, maximum de 15 à 19 degrés. Et averse vendredi, maximum de 9 à 13. CFNJ 89.1 88.9. Et toujours à Mélomane en ce mercredi soir de retour d'un bloc épicé à souhait, qui s'est terminé avec quelque chose d'un peu plus récent. 2019, quoique j'ai vu certaines entrées qui disaient 2016, mais bref, avec une artiste très originale du nom de Mal Devisa, bassiste, chanteuse, autrice-compositrice qui a un style assez difficile à décrire, un monde bien à elle. Je vous invite à la découvrir par vous-même. On peut facilement l'écouter sur des plateformes comme Bandcamp. On a entendu la pièce Fire de son album Kid, écrit avec deux I, de 2016. Et ici, ça suivait une autre femme qui était loin de donner sa place, elle aussi qui était assez liée à la scène punk de New York de la fin des années 70. Une scène punk assez différente de celle qu'on pouvait retrouver en Angleterre au même moment, soit dit en passant. La scène punk de New York qui tendait à être un peu plus intellectuelle et un peu moins ouvrière, on pourrait dire. Mais bref, tout aussi intéressante. Nous, on a entendu une de ses poètes avérées, Patti Smith, avec certainement son plus grand succès, Because the Night, de 1979. Et là, ironiquement, je parle du côté poète de Patti Smith, mais Because the Night, c'est qui a été écrite, si fait intéressant, on va la voir, par nul autre que Bruce Springsteen, qui était pas mal au sommet de sa gloire à ce moment-là. Et sinon, juste avant, ben un gars qui a été ingénieur de son sur des tout petits albums comme Abbey Road, The Beatles ou Dark Side of the Moon de Pink Floyd, et qui va décider de fonder son propre groupe par la suite. On a entendu le Alan Parsons Project avec leur plus gros hit, Eye in the Sky, en 1982, qui suivait un extrait d'un album des années 70, duquel des musiciens comme James Hetfield de Metallica, aussi bien que Slash de Guns N' Roses, disent qu'il n'aurait probablement jamais appris à jouer de la guitare si ça n'avait pas été de cet album-là. Un album bien crasseux de 1976 du nom de Rocks, d'un groupe qu'on appelle Aerosmith, avec en plus une chanson que plusieurs ont considérée comme étant une de leurs plus heavy, qui s'appelle Nobody's Fault, et qui a même été reprise, ça les métalleux le savent probablement, par le groupe Trash Testament en 1988 sur leur album New Order. Donc voyez-vous, on l'oublie souvent, mais le Aerosmith des années 70, c'est complètement autre chose que celui des années 80 ou 90, même s'il y a des très bonnes chansons à toutes les époques, là, mais disons que dans les années 70, c'est une époque où le groupe composait entièrement ses chansons, sans faire appel à des équipes de compositeurs de leur maison de disques qui vont peut-être être enclins à un petit peu plus aux recettes, disons. Et surtout, on oublie combien ont été plus influents qu'on peut, on voudrait parfois l'admettre, tout comme on oublie, même si on en parle souvent à tort et à travers, au Québec, combien l'album Jaune est complètement unique dans la discographie de Jean-Pierre Ferland. Je vous le dis, si vous pensez que vous n'aimez pas Jean-Pierre Ferland, allez quand même écouter Jaune au complet, ça vaut vraiment la peine. À preuve, la pièce complètement lugubre qu'on a entendue ici, le fameux chat du café des artistes en 1970, et c'est drôle, parce que, il en parlait hier aux égarés de la bande. Ça fait 2-3 semaines qu'on parle des mêmes choses. Il parlait des 10 meilleurs albums québécois. Il parlait d'une liste. Et Jaune y apparaissait. Donc, juste après les délicieux Delphonics en 1968, du Philly Soul à son meilleur avec Ready or Not, Here I Come, Can't Hide from Love, une phrase qu'on dit quand on joue à la cachette, mais surtout une chanson qui va être par la suite reprise par une foule d'artistes, des Jackson 5 jusqu'aux Fugees, qui vont citer le thème en 1996. Et nous, ben là, on s'en va complètement ailleurs, toujours à Mélomane, 99 ans et 88.9, CFNJ. We'll be right back. if you please. C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Do you remember summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about the world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Beechwood Park. Oh, never, never will we come. Oh, never, never will we come. Oh, the roots go, or stop get strong. Never, never bow we down.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Today, as I walk through my garden of dreams, I'm alone in the sweet used to be. My past and my present are one and the same, and the future holds nothing for me. Yesterday's kisses still burning, and yesterday's memories still find me. Scenes from the past keep returning. I've got a wonderful future behind me. Say there is happiness waiting for me, but I know this is just fantasy. Let me trade one tomorrow for one yesterday. Let me live in my garden of dreams. Yesterday's kisses still burning, yesterday's memories still find me. Scenes from the past keep returning. I've got a wonderful future behind me. Et toujours en plein mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec, pourquoi pas, un petit Willie Nelson en 1972 avec une chanson qui représente très bien, Wonderful Future, d'un album qui s'appelait The Willie Way, qui ne veut pas vivre The Willie Way, sur lequel on pouvait aussi retrouver sa version de Help Me Make It Through the Night, une très belle composition de Kris Kristofferson, qui, soit dit en passant, était aussi acteur, pour ceux qui s'en rappellent. C'était d'ailleurs lui qui jouait dans la version des années 70 de A Star Is Born, aux côtés de Barbara Streisand, bien sûr, si jamais il y a des gens plus jeunes à l'écoute qui ont bien aimé la récente version de Lady Gaga, ben, juste à titre d'information, c'était la troisième version du film, parce que celle de Barbara Streisand était déjà un remake du classique de Judy Garland. Mais là, on s'égare totalement. C'était juste une petite parenthèse. Si on revient à nos moutons, ben on a entendu aussi le groupe Free avec son chanteur Paul Rogers, qui va plus tard former Bad Company. Mais là, Free, on les a entendus avec l'excellent Mr. Big de 1970, avec un long solo de bass à la fin. C'est rare qu'on entend ça quand même, surtout dans ces années-là. Chanson qui suivait de manière totalement interdite un extrait d'un excellent oratorio de l'époque baroque. Un oratorio, on pourrait décrire ça comme ni plus ni moins, une sorte d'opéra qui a pour sujet une histoire sacrée et qui, habituellement, comportera pas de mise en scène élaborée avec des costumes et tout comme on peut le retrouver dans un opéra. Mais disons qu'au son, ça peut parfois se ressembler un peu. Et l'oratorio en question s'appelait Judas Maccabeus et a été composé en 1746 par un très grand compositeur de la fin de l'époque baroque du nom de Georges Frédéric Handel. Et l'extrait en question, dont le livret a été écrit originalement en anglais, qui est en fait constitué d'un duo du nom de « Oh, never bow we down », suivi de très près par une réponse du cœur qui s'intitule « We never will bow down », qu'on pourrait appeler sans jeu de mots, une pièce de résistance. Et tout ça interprété en 2000 par le chœur de chambre Malbron, dirigé par Jürgen Boudet. Et on a entendu ça juste après un de mes groupes préférés, avec une chanson tirée d'un de mes albums préférés. Le groupe, c'est les Zombies. L'album, c'est leur dernier magnifique chant du cygne, Odyssey and Oracles de 1968. Et la chanson, c'était la très feutrée Beechwood Park. Qui suivait ici Mon amour, mon ami, 1967, Marie Laforêt, qu'on adore à Mélomane, qui elle-même suivait. Et ça, c'est illégal, mesdames et messieurs. Le heavy metal pur et bien sonné du Mighty Judas Priest en pleine force de l'âge en 1978, qui inventait leur nouvelle musique sur l'excellent album Stained Glass avec sa pièce d'ouverture épique Exciter. Donc, pas besoin de vous dire qu'on s'est promené quand même pas mal. Ce soir, c'est, on dirait, la définition même d'un mélomane varié. Et le pire là-dedans, c'est qu'on continue sans s'excuser parce qu'on est à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Thanks. Snoop to you, you mother. Start y'all here, citizens of the universe, getting it on, partying on the mothership. When Gable's horn blow, you better be ready to go. Swing low, time to move on. Light years in time, ahead of our time. Free your mind and come fly with me. It's hip on the mothership. Grooving, start y'all here. Coming forth to take you home. Get it on. Bye.

Un orphelinat. Même si ton frère, ce vieux satyre, use de ton corps trois fois par mois, viens dans mes bras, viens me le dire, je te chanterai tout bas. Ne pleure pas, petite fille, ne pleure pas. Même si les gens sont méchants, ne pleure pas. Chez ce grand-père où tu habites, qui t'a donné trois enfants, ton oncle fut tué par les termites qui l'ont sculpté sur son banc. Même si pour toi la vie est brune comme une crise de choléra, viens avec moi dans la lagune, je te chanterai tout bas. Ne pleure pas, petite fille, ne pleure pas. Même si les gens sont méchants, ne pleure pas. Même si tu es un peu infirme et pâle par hérédité, malgré ton âge, je te l'affirme, tu peux venir me trouver. Nous tâcherons de voir ensemble de quel problème il s'agit là. Ma main sur ta fesse qui tremble, je te chanterai tout bas. Ne pleure pas, petite fille, ne pleure pas. Même si les gens sont méchants, ne pleure pas. Au creux de mon aile psychiatrique, je regarde mûrir les murs. Dans mon délire acrobatique, je me dis qu'un soit pur. Dans tout ce que tu imagines, afin de nourrir tes moments bas, va voir la fourmi ta voisine, tu lui chanteras tout bas. Ne pleure pas, petite fille, ne pleure pas. Même si les gens sont méchants, ne pleure pas. behind. Smiles we gave to one another for the way we were. Sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec un bloc qui se termine sur un doublé de 1974, mais deux chansons assez différentes, merci. On vient d'entendre un grand classique de la grande Barbara Streisand, dont on parlait plus tôt à l'émission, justement. The Way We Were, chanson thème du fameux film avec Robert Redford, et bien sûr Barbara elle-même, film de 1973, mais il a fallu attendre 1974 pour que l'apparition de la trame sonore et aussi de l'album de Barbara Streisand du même nom sorte. Donc, chose qui était précédée ici d'une des chansons les plus tordues de Plume la Traverse, dans ses plus connus du moins. Il s'agissait de Ne pleure pas, petite fille, de l'album Plume Pudding, toujours de 1974. Et sinon, juste avant, un peu plus New Wave avec Dance This Mess Around des B-52s en 79. Et tout ça précédé d'un petit trio improbable, le Velvet Underground, avec l'ouverture de leur légendaire premier album de 67. On en a déjà parlé de cet album-là, l'émission très, très, très, très, très influent, la chanson Sunday Morning, qui suivait les prophètes du funk interstellaire, Parliament, avec une reprise bien à eux d'un vieux spiritual des années 1870 qui s'appelle habituellement Swing Low, Sweet Chariot, mais que Parliament a décidé d'appeler ici Swing Down, Swing Chariot en 1975. De tout amorcé par le groupe de punk anglais Wire avec la chanson Strange, d'un excellent album du nom de Pink Flag, de 1977, qui a été extrêmement influent sur tout ce qui allait s'appeler post-punk, hardcore ou rock alternatif. D'ailleurs, Strange a été reprise par le groupe R.E.M. 10 ans plus tard sur leur album Document. Et nous, ben, vous vous en doutez, c'est déjà fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour un autre Mélomane, en vous souhaitant une bonne nuit à l'antenne de CFNJ. D'ailleurs, blues-moi qui suit. Et n'oubliez pas mes petites sélections des nuits classic rock à partir de minuit, tous les soirs, au 99.1 et 88.9 CFNJ. Donc, en vous souhaitant une bonne nuit.